إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours sur le hadith, en tout cas une série de 21 hadiths dans la croyance et le suivi de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Et nous devrons donc aujourd'hui, nous devrions terminer le livre. On devrait donc s'attacher à étudier le 20e et 21e hadith. Et le 20e hadith qui a pour titre Najatul Ummah. Donc le hadith al-Ishroun, Najatul Ummah fi ta'atir Rasuli sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. La traduction, et on avait dit plusieurs fois depuis le début en tout cas du cours, que le fiqh il est déjà dans la tarjama, hein, que le sujet est déjà dans le titre. Et le titre veut dire le salut de la communauté se trouvera dans l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sa perte se trouve dans sa transgression. Ensuite, pour le hadith, An Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. والحديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم في كتاب الفضائل. Donc pour la traduction du hadith, qui est un hadith d'après Moussa, Abu Moussa al-Ash'ari, قال الأغري رضي الله عنه أرضاه, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi et ceux avec quoi Allah m'a envoyé sommes à l'exemple d'un homme qui vint à son peuple et dit « Ô peuple, j'ai vu l'armée de mes propres yeux et je suis l'annonciateur hein, nu, si vous voulez dévêtu. » On va voir ce que ça veut dire dans le hadith ici. « Sauvez-vous, une partie de son peuple lui obéit et se sont enfuis à la tombée de la nuit. Ils sont partis à leur aise et ont été sauvés. » Et une autre partie l'a démenti. Et ils furent attaqués par l'armée au matin, qui les détruisit et les extermina. وممكن أخوات من الجهة الأخرى عفوا يعني لكن شوف تتأكد مع الأخ يعني شوف معه إن شاء الله لكن donc je répète cette partie là en tout cas et ils sont partis à leur aise et ont été sauvés et notre partie l'a démenti et ils furent attaqués par l'armée au matin qui les détruisit et les extermina tous. Ceci à l'exemple de celui qui m'obéit et suit ce avec quoi je suis venu et celui qui ne me croit pas et ne croit pas en ce quoi je suis venu avec comme vérité. Et donc le hadith, comme on a dit, rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, dans Sahih, Kitab al-I'tisam, et par Muslim dans son authentique, dans Kitab al-Fada'il. Donc on s'attache maintenant au vocabulaire du hadith, hein, al-Mufradat. Mathali, صفتي وحالي العجيبة. Donc qu'est-ce que veut dire mathali, c'est-à-dire mon état et ma situation étonnante. Deuxième mot de vocabulaire, an-nadhir. Qu'est-ce que veut dire an-nadhir? Wa al-mukhbiru bima fihi sharr wa su. C'est-à-dire celui qui informe de quelque chose ou d'une mauvaise chose, quelque chose où il y a un mal. D'accord? Et c'est le contraire de quoi? Pour ceux qui connaissent, al-bashir, barakallahu fikum, na'am, al-bashir. Vous trouvez beaucoup de versets bashiran, bashiran wa nadhira. D'accord? Al-iryan, et c'est ça maintenant que je voulais vous expliquer dans le hadith. Al-iryan, c'est quelqu'un de nu, c'est le contraire de vêtu, si vous voulez, d'accord? C'est-à-dire de complètement dévêtu. Et on va voir dans l'explication pourquoi on a dit ici qu'il était iryan, pourquoi est-ce que l'annonciateur était nu, d'accord? Ensuite, al-nadhir al-iryan al-mumathal bihi, c'est ce que je vous disais. Cheikh Rabi' nous dit, هو رجل من خثعمة تزوج امرأة من زبيد فأراد بنو زبيد أن يغير على أن يغير على قبيلته فخافوا أن ينذر قومه فجعلوا عليه حرصا بعد أو حراسا بعد أن خلعوا ثيابه فصادف منهم غرة ففر إلى أهله فأنذرهم وكان مما قاله أن النذير العريان ينبذ ثوبه إذا الصدق لم ينبذ لك ثوب كاذب. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' ici? Il nous dit que l'annonçateur dévêtu pris en exemple dans ce hadith, en fait c'est un homme, d'accord, de Khath'am, qui épousa une femme de Zabid. Et Banu Zabid, la tribu donc de Zabid, ont voulu rasier, attaquer la tribu de cet homme-là, qui donc s'est marié de cette tribu-là, d'accord. Mais ils avaient peur justement qu'ils les préviennent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le placèrent sous bonne garde et dévêtu. Évidemment, quand vous êtes sous bonne garde et que vous êtes dévêtu, il devient difficile de bouger et d'aller annoncer à votre peuple qu'il va être attaqué, évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il profita d'une distraction des gardes, d'accord. Il se libéra et alla à son peuple pour les prévenir de cela. Et donc, comme le dit Cheikh ici, il profita d'une distraction et de ses gardes pour s'enfuir et courut vers ses proches pour les prévenir. Et il dit notamment, c'est une traduction très approximative de ce poème-là. En résumé, le poème, si vous voulez, c'est juste pour dire que je suis l'annonciateur dévêtu, qui a délaissé son vêtement. En résumé, c'est que même s'il était dévêtu, c'est qu'il est venu avec la véracité, c'est ça qui est important. Et c'est ça son vêtement, si vous voulez, c'est qu'il est venu avec cette véracité-là, il est venu avec un vrai message parce qu'il voulait le bien pour son peuple. Et on va le comprendre de manière plus claire, inshallah, dans l'explication du hadith. On est toujours dans le vocabulaire ici. Et Cheikh nous dit justement sur cette expression-là, sur ce poème-là, que c'est devenu « Fasara mathalan li kulli amr, takhafu mufaja'atahu, wa li kulli rajulin la raiba fi kalamihi. » Donc Cheikh nous dit ici que ce poème-là chez les Arabes, c'est devenu maintenant une expression pour dire... pour exprimer toute chose dont tu crains d'être surpris avec, ou tout homme dans la parole duquel il n'y a aucun doute. Al-Naja, qu'est-ce que veut dire Al-Harab huwa mansubun ala al-Igra? Et là encore, on voit l'importance de la grammaire arabe, les frères. Pour les frères francophones qui ne connaissent pas la langue arabe, quand on ne connaît pas la langue arabe, on reste toujours limité dans la religion. On n'a pas accès à la religion de manière convenable, de manière détaillée. Ici, le shir dit Al-Naja, c'est qu'il est mansub. Je ne veux pas rentrer dans des traductions de l'état du manso, parce que les orientalistes vont vous dire que c'est à l'accusatif et des choses comme ça. Je n'ai pas tellement l'intérêt de le dire. En état de nasb, si vous voulez, c'est ici, c'est qu'il y a une fetha, tout simplement. D'accord. Et c'est pour exprimer, en fait, alal igra. Vous voyez, c'est des notions qui sont très difficiles à traduire et qu'on peut très mal reproduire en français. Donc c'est qu'ici, le juste, si on peut traduire en tout cas le sens, al-najah, ça veut dire la fuite. Et il est en état de nasb, c'est-à-dire qu'il y a une fetha. Pourquoi? Parce que ça exprime en arabe l'incitation. D'accord? Al-Igra. Adlaju saru min awwal al-layli aw saru al-layla kullahu. Al-adlaju, qu'est-ce que ça veut dire? Ils partirent à la tombée de la nuit ou ils firent route toute la nuit. C'est ça que ça veut dire le verbe adlaja. Et ici, il adlaju. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un groupe de gens. D'accord? C'est tout simplement qu'il a été conjugué le verbe. Sabbahahum, ils attaquèrent le matin. Sabbahahum, il dit, aghara alayhim fi sabah. Ijtahahum, استأصلهم فلم يبقى على أحد منهم. C'est-à-dire, اجتاحهم, il les anéantit jusqu'au dernier. Maintenant, on voit le sens général du hadith. Donc, pour les frères qui n'étaient pas là dans les cours, parce que normalement, c'est le dernier cours du livre aujourd'hui, on a vu donc 21 hadiths, en tout cas, on est au 20e aujourd'hui, d'accord ? Et c'est des 21 hadiths que Cheikh Rabia a expliqué, a écrit en tout cas, ou compilé, et expliqué pour l'université de Médine et pour les étudiants. Pour former les étudiants à être des prêcheurs, à être du'at, à pouvoir s'exprimer devant les gens, à connaître des notions dans l'aqida, dans le suivi, et aussi à pouvoir améliorer quoi ? Leur langue arabe. Vous vous souvenez de ça qu'on avait dans l'introduction, hein ? D'accord, pour les frères qui étaient là. Vous vous souvenez ou pas ? Hein ? Donc la méthodologie de Cheikh Rabia depuis le début du hadith, c'est de quoi ? De faire le titre du hadith, ou si vous voulez c'est la tarjama. Hein ? Ensuite il rapporte le hadith. Ensuite il fait ce qu'on appelle tahrij le hadith, c'est-à-dire qu'il nous rapporte les références où on peut retrouver les hadiths. Hein ? Ensuite qu'est-ce qu'il nous fait ? La biographie du hadith. Ici pourquoi on ne la fait pas ? Parce qu'on l'a déjà étudié la biographie d'Abu Moussa al-Ash'ari lors du hadith numéro 16. Donc on fait une biographie courte, concise, mais biographie quand même du rapporteur du hadith, du sahabi qui rapporte le hadith. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attache à étudier le vocabulaire du hadith, en tout cas les mots qui peuvent prêter à difficulté, les mots qu'on a besoin de comprendre hein, dans le hadith. D'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que fait le shir ? Le sens général du hadith, c'est-à-dire que c'est une explication générale du hadith. Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous fait ? مَا يُؤْخَدُ مِنَ الْحَدِيثِ أو الْفَوَائِدَ الَّتِي تُؤْخَدُ مِنَ الْحَدِيثِ أو فِي الْحَدِيثِ C'est-à-dire les hadiths, les bienfaits qu'on peut tirer. Et en fait, c'est une guise de quoi ? De synthèse. Hein ? De résumé, point 1, point 2, point 3, يعني الْفَوَائِدِ. Et ça doit vous rappeler quelque chose, une des raisons pour laquelle Cheikh Rabi a écrit ce livre. C'est laquelle ? La dernière, la synthèse. Les étudiants quoi ? نعم بارك الله فيكم. Pourquoi ? Pour former l'étudiant, le talib ilm, hein, à extraire des hadiths l'ahkam, les jugements. Et c'est ça qu'il voulait dans talib ilm. D'accord ? Et vous avez vu qu'on a essayé de le faire quelques fois, on y est arrivé quelques fois, d'accord ? Hein, parce que quand on a vu le hadith, qu'on en a vu qui était le rapporteur du hadith, quand on a vu l'explication du hadith, eh bien, on peut être à même quoi avec ces outils-là de... Évidemment, mais là, parce qu'alhamdoulilah, on a le travail d'un shirk, donc on peut comparer, hein, qu'on ne le fasse pas de manière indépendante. Hein. Et donc, alhamdoulilah, vous voyez que ça nous a déjà aidé pas mal, et ça nous a déjà aidé à former en tout cas un petit peu à extraire les jugements des hadiths. Donc ça, c'était pour les frères qui étaient pas là, qui sont pas là d'habitude, pour un peu qu'ils aient une idée générale de notre méthodologie ici depuis le début. Et donc, maintenant, on s'attache à quoi ? Au sens général du hadith. Al-ma'na al-ijmali. Ba'atha Allahu rasulahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil-huda. ودين الحق وجاء بالمعجزات العظمى الكونية والشرعية والبراهين الواضحة والحجج القوية الصادقة الدالة أكبر دلالة على صدقه وصدق ما جاء به وأنه رسول من الله حقا عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه وأطاعه من أراد الله به السعادة والنعيم والنجاة من غضب الله وبطشه وعقابه وكذبه وعصاه أهل الكبر والعناد وأهل الجاه والمناصب والمصالح الذين حاق بهم غضب الله واستوجبوا الهلاك والعذاب الأليم والدمار الماحق جزاء كفرهم وكبرهم وتكذيبهم وعنادهم واتباع أهوائهم وعدم انقيادهم للحق فضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا لحاله وحال ما جاء به من الحق الواضح والصدق البين وما يترتب على تصديقه وطاعته وعلى تكذيبه وعصيانه ومخالفته بحال ذلك الرجل الصادق المخلص في إنذار قومه والحريص على نجاتهم من الخطر الداهم الذي يكمن وراء ذلك الجيش المباغت فمن صدقه وأطاعه وأخذ بأسباب النجاة في تجنب خطر ذلك الجيش نجا ومن كذبه وعصاه واستخف بذلك الخطر نزل به خطر العدو فأهلكه واجتاحه. Donc on va s'attacher à couper ça en plusieurs points, inchallah, pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' ici dans l'explication du hadith? Hafidhahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Hein? Et je rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on entend le nom de Muhammad alayhi wa sallam. Hein? a envoyé donc son messager Mohammed alayhi salatu wassalam avec la guidance et la religion de vérité. Et il est venu avec des grands miracles dans la création et dans la législation. Ce qu'il appelle Cheikh al-Mu'ajizat al-Kawniyah wa al-Shar'iyah. Et avec les preuves claires, évidentes, ainsi que les arguments puissants, véridiques, qui indiquent de la meilleure des manières sa véracité alayhi salatu wassalam. Et la véracité de ce avec quoi il est venu et qu'il est vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On crut en lui ceux pour qui Allah a voulu le bonheur et la félicité, et le salut de sa colère et de son châtiment. Tandis que l'on rendu mensonger, l'on démenti les gens de l'orgueil et de l'obstination, ahlil kibri wal inad, les gens qui ont des postes élevés et de haut rang et qui ont des intérêts, ceux qui ont mérité la colère d'Allah et la perdition et le châtiment douloureux, et la destruction totale en récompense de leur mécréance, et de leur orgueil, et de leur obstination, et de leur dénégation, et leur suivi des passions, ainsi qu'à leur non-soumission à la vérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a donc donné l'exemple de sa situation et de ce avec quoi il est venu comme vérité claire et véracité évidente et qui découle du fait de croire en lui et lui obéir ou de le démentir. Ce qui découle du fait de croire en lui et de lui obéir ou de le démentir et lui désobéir et transgresser sa voix en donnant l'exemple de cet homme véridique, sincère, sérieux dans la mise en garde de son peuple et qui désire ardemment, haris en arabe, al-hirs, leur salut du danger, qui peut les prendre à l'improviste et qui cache derrière lui cette armée inattendue. Celui qui le croit et lui obéit et qui prend ses dispositions pour se sauver de ce danger, de cette armée sera sauvé. Et celui qui le dément et lui désobéit et prend ce danger à la légère sera touché par le danger de l'ennemi qui le détruira et l'exterminera. Cheikh continue en disant وَكَذَلِكَ مَصِيرُ هَذِهِ الْأُمَّمِ وَالشُّعُوبِ الَّتِي بُعِثَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَمَنْ صَدَّقَهُ وَأَطَاعَهُ سعد في الدنيا والآخرة والأخرى ونال من الله أعظم الجزاء وأكرمه ونجى من عقوبات الدنيا وخزي الآخرة ومن كذبه وعصاه وخالف ما جاء به ولم يرفع رأسا بالهدى الذي جاء به المتمثل في الكتاب والسنة تعرض لغضب الله وسخطه وأنزل به العقوبات والكوارث في الدنيا والعذاب والواصب في الآخرة ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سورة الجن. Donc Cheikh continue son explication en disant il en est de même ces communautés ces peuples pour ces communautés ces peuples auxquels ont été envoyés le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le croit et lui obéit obtiendra le bonheur ici-bas et dans l'au-delà et obtiendra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus grande récompense et sera sauvé des châtiments de ce bas monde et de l'au-delà. Tandis que celui qui le dément et lui désobéit et transgresse ce avec quoi il est venu et ne prête pas attention à la guidance avec laquelle il est venu, qui se retrouve cette guidance, qui se retrouve dans le Coran et dans la Sunna, s'expose au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de son châtiment. Et sa colère, wal'adhu billah, et subira les punitions et les calamités de ce bas monde et les châtiments perpétuels dans l'au-delà. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. C'est donc la traduction du sens de Sourate al-Jin, verset 23. On a déjà fini le premier hadith. On s'attache donc maintenant à quoi ? À la synthèse du hadith. Donc c'est-à-dire quoi ? Al-fawa'id allati tu'khadu min al-hadith ou ma yustafadu min al-hadith. Al-fa'idatu al-oula balagatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi darbihi al-amthal al-sadiqah al-hayyah allati taj'alu al-ma'qul fi qalib al-mahsus wa taqrib al-ma'ani al-ba'ida bihada al-taswir al-ra'i'. Donc c'est quoi le premier point ici qu'on peut tirer de ce hadith ? C'est quoi ? L'éloquence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière de donner des exemples vivants et faciliter la compréhension des choses par cette magnifique représentation. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, al-fa'idatu thaniya, hirsuhu ala hidayati an-nas. hein, son grand attachement, son désir ardent, hein, à la guidance des gens. الفائدة الثالثة صدق ما جاء به ووضوحه. C'est quoi? C'est la véracité de ce avec quoi il est venu et sa clarté. الوضوح. Hein? Quand vous entendez souvent des frères qui disent واضح ou un cheikh qui vous dit واضح, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelque chose de clair. Hein? وضوحه, c'est-à-dire sa clarté. Quatrième point, الفائدة الرابعة حصول الفوز والسعادة بتصديقه وطاعته واتباع ما جاء به. Et c'est ça, on revient à quoi? Au titre du hadith du cours aujourd'hui. Hein? Qui s'est me rapporté le titre? Si vous n'avez pas déjà oublié. Hein? Qui s'est me rapporté le titre du hadith qu'on vient de voir? Na'am, barakallahu fik. Wa halakuhu fi mukhalafatihi. Barakallahu fik. Si tu peux traduire ça, c'est quoi? C'est la réussite, la sauvegarde de la communauté se trouve dans son obéissance. Et sa perdition se trouve dans sa désobéissance ou sa transgression. D'accord ? On revient à ça, regardez. حصول الفوز والسعادة بتصديقه وطاعته واتباع ما جاء به. Hein ? C'est quoi ? C'est l'obtention de la réussite et du bonheur en croyant en lui et en lui obéissant et en suivant ce avec quoi il est venu. Et la suite du titre, elle est là, regardez, dans le cinquième point, pour ceux qui ont le livre. وقوع البواري والدماري في الدنيا والآخرة. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est la deuxième partie du titre que tu as donné. C'est quoi? C'est la destruction et la perte dans ce bas monde et dans l'au-delà en le démentant, pour ceux qui les démentent, hein? Et en lui désobéissant et en le transgressant. Alayhi salatu wassalam. Qu'Allah Azza wa Jal, sallallahu alayhi wa sallam, yuwaffiqana liittiba'ihi, sallallahu alayhi wa sallam, ou liita'atihi, alayhi salatu wassalam. Avec ça, on a donc fini le 20e hadith. Qui sait me rapporter, hein, parce qu'on a un petit peu le temps aujourd'hui, qui sait me rapporter le compagnon du hadith, qui a rapporté le hadith, le titre du hadith, le tahrij du hadith, hein, en tout cas pour le titre, on l'a déjà rapporté. Qui est le rapporteur du hadith? Abu Moussa al-Ash'ari. Qui est Abu Moussa al-Ash'ari pour les frères qui étaient là dans les autres cours? Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit avec les briques hier, hein? Si tu veux construire une maison, tu mets une brique, hein, et que tu la retires avant de mettre la seconde, c'est pas... C'est, hein? Tu vas mettre du temps à la construire. Hein? D'accord? Il y a du hifd, les frères. Il faut étudier, il faut mémoriser. Ça, il n'y a pas de secret. Et il faut revoir les cours. Parce que s'il y a des notions qu'on a déjà vues qui sont oubliées, il n'y a aucun intérêt à rajouter des notions. Surtout qu'il y a des choses qui reviennent de manière récurrente. Hein? On a vu surtout ça dans le fiqh hier. Vous vous souvenez avec le hadath? Vous savez, c'est quoi le hadath? Si vous ne savez pas définir c'est quoi le hadath, comment est-ce qu'on peut voir c'est quoi les annulations de l'wudu? Et comment est-ce qu'on peut voir les notions qui sont liées au hadath? C'est comme ça, la religion elle est basée sur des notions qu'il faut connaître, hein? Et si on ne les connaît pas, ben on ne pourra jamais avancer. Alors qui est Abu Moussa al-Ash'ari? Si vous ne si savez plus, aidez-vous des notes. Un des compagnons, Na'am, radiallahu anhu. Tu t'aides des notes là où tu dis de mémoire? Ok. Mm-hmm. C'est sûr, hein, que c'est Abu Moussa. Ok, vas-y. Vas-y, c'est tout. Aidez-vous des notes, j'ai dit, si ça va pas, aidez-vous des notes. Hein. Hmm? Et ouais. Vous avez vos notes avec vous? Daoud, t'as pas tes notes? Hmm? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce hadith? Où est-ce qu'il a été rapporté le hadith? Bukhari Muslim. Bukhari dans quel chapitre? Kitab l'I'tisam, Muslim. Kitab al-Fada'il. Donc c'est un hadith qu'on appelle Muttafaqun alayh, hein? C'est un istilah que les ulama utilisent. Et d'autres ulama comme Majid ibn Taymiyyah, le Muttafaq alayh pour eux c'est Bukhari ou Muslim ou Ahmed. D'accord? Mais ici évidemment ce qu'on entend souvent dans le Muttafaq alayh c'est le Bukhari ou Muslim, hein? Donc le Bukhari dans Kitab l'I'tisam, hein? Et Muslim dans Kitab al-Fada'il. C'est juste, na'am. Ensuite, qu'est-ce que vous savez me dire au niveau de l'explication du hadith de manière très générale? Qu'est-ce que le Cheikh nous a rapporté ici? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Déjà, aidez-vous du hadith déjà. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il faut avoir cet esprit de synthèse, c'est très important dans l'étude. Soyez pas gênés. Hein? Vous savez qu'il y a deux genres de personnes qui n'apprennent pas, et parmi les deux, c'est celui qui est, hein, qui a honte, qui est gêné. C'est interdit pour la science. Hein? Si vous voulez voir le hadith, il est dans Kitab al-Ilm de Sahih al-Bukhari. Hein? ايوه يا اخوه تفضلوا. شوفوا دي سوغيغ صديق كان كيف لسلانسي ميزون بور ها يلا كيس كيلا كيس كونا في اجوردي البروفيسور سي لا با دوني ان اكزومبل نو ان اكزومبل دو كي فوالا سي كي سيت اوم لا كي تي ديفيتو كي فينا كي فيني فير كوا جالي دير لا ريبونس ها il est venu avertir son peuple de quoi? C'est quel nom de son peuple? Khatam. Il s'est marié de quel peuple? Banu Zabid. Et il s'est marié de chez eux et Banu Zabid, ils ont voulu attaquer son peuple. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur que il prévienne son peuple. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'empêcher? Ils l'ont pas attaché. Ils ont mis des gardes en tout cas, oui. Hein? Ils l'ont dévêtu, naam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de quoi? Distraction. Quel mot utiliser en arabe, le shir? Ghirratan. Hein? Il a profité de distraction. Pourquoi? Pour s'enfuir et aller prévenir son peuple. Donc imaginez-vous un peu cette situation-là. Un homme qui est revenu à son peuple et qui les annonce qu'il y a une armée qui va les attaquer. Il vient de partir à quoi? Donc vous voyez, le sidq qu'il a eu, le désir ardent de sauver son peuple et de... Hein? Vous voyez, hein? Donc il est arrivé à son peuple et qu'est-ce qu'il leur a dit? An-Naja. Hein? C'est-à-dire pour les inciter à se sauver. D'accord? Comment est-ce qu'on voit que c'est l'incitation ici? Quelle règle grammatique à nous aider à savoir que c'est une incitation? C'est la fatha, c'est que c'est nasb ala al-ighra. Hein? D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la réaction de son peuple? Ou quelles ont été les différentes réactions des différentes parties de son peuple? Naam, c'est juste une partie l'a cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'enfuient. On peut comprendre toute la nuit à la tombée de la nuit, naam, c'est juste. Et l'autre partie, là, elle a dénié, ils l'ont pas cru. Et ils se sont fait quoi? Exterminer jusqu'au dernier. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme fawaïd de ce hadith? C'est avec une bonne compréhension et juste avec une mémoire pas trop, hein, parce que c'est vraiment très frais là ce qu'on vient de voir. Là, on ne peut pas être plus frais que ça. Hein. On vient de terminer, d'accord, hein. On peut retrouver les 5 points qu'on a dit. Hein. Ah, l'éloquence dans sa prêche, alayhi salatu wassalam, barakallahu fik, son éloquence. Naam. En donnant des exemples vivants. Naam. Al-wudouh, la clarté. Naam. Deuxième point qu'on pourrait citer. Ça, c'est le deuxième point que tu as cité. Naam. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Naam, c'est ce qu'on a dit, son attachement aussi, désir ardent. Naam, à toi ensuite. Hein? Voilà, le bonheur, le salut, hein? Al-sa'ada, il a dit, hein, fi dunya wal-akhira, pour celui qui le croit en lui d'abord et le suit. Naam. Ensuite, le contraire, qui se retrouve aussi dans le titre. Donc vous voyez comme tout se tient. Le danger, la destruction. De le démentir et de lui désobéir et de transgresser sa voix. D'accord? Et avec ça, donc, on a fini le hadith. Donc, c'est clair pour tout le monde. Hein? Maintenant, on s'attache à étudier le 21e hadith. Et vous savez qui était très fort pour ça? Et ça, subhanallah, quand, en tant que professeur, on étudie beaucoup, ça, c'est la pédagogie avec les élèves. Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen était très fort pour ça. Dans sa pédagogie, il avait même toujours une alarme à côté de lui. Hein? Et avant que l'alarme elle sonne, Il s'attachait à s'arrêter et à dire, voilà, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, hein? Et il faisait un résumé, etc. Il interrogeait les élèves, et puis l'alarme, elle sonnait juste autant voulu. Hein? Cheikh Al-Uthaymeen, spécialiste pour ça. Vous pouvez écouter ses cassettes, vous allez souvent entendre... C'était connu que Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il aimait beaucoup les gadgets électroniques. Hein? Il était très... Il s'y connaissait bien, il aimait ça. Alayhi salatu wassalam. Rahmatullah, afwan. Donc ici, qu'est-ce qu'on disait sur... 21e hadith, al-hadi wal-ishroun, ahamiyatu hubbillah wa hubbi rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. An Anas radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, thalathun man kunna fihi wajada bihi halawata al-iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Voyez, hadith très court, mais très très important. très facile à mémoriser. Hein? Et je sais qu'il y a des frères, mashallah, qui ont mémorisé le hadith depuis le début. Donc, inshallah, bientôt, ils ont retenu 21 hadiths. Peut-être d'autres moins, mais l'important, c'est d'essayer. Et pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, je vous avais motivé en vous rapportant un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fadl de mémoriser un hadith. Qui sait me le rapporter? Personne? Je vais expliquer le, je vais rapporter l'explication du Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Naam. Naam, c'est ce hadith-là en arabe, c'est Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Cheikh Mokoubil, il a dit, rahmatullah alayh, Naddarallahu imra'an ay ja'alahu dha nadaratin. Hein? Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, c'est-à-dire que Naddarallahu imra'an, c'est le prophète, ça, il a fait du'a pour celui qui. Hein? Sami'a maqalati, qui a entendu son hadith, fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hein? La mémorise, la comprend et il la retransmet comme elle l'a entendu. Hein? D'accord? Et ça, Cheikh Mokbil nous dit que ja'alahu dha nadaratin, ça veut dire qu'Allah lui donne une beauté. Et vous regardez les gens de la Sunna qui rapportent le hadith, comme ils sont beaux, leur visage. Hein? Et Cheikh Abd al-Razzaq Badr a dit que c'est une beauté extérieure et intérieure. Donc Cheikh Abd al-Razzaq Badr a dit, vous pourrez retrouver la khutba dans son site internet sur ce hadith-là, a dit qu'on devrait en tant que musulman essayer de rentrer dans cette doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En comment? En mémorisant le hadith, en s'attachant à connaître son explication, son sens, et en rapportant, en faisant da'wa, en faisant tahdith, en rapportant le hadith. Et c'est ce que nous manque dans nos assises, hein, entre gens de la sunna. Quand est-ce qu'on se retrouve entre nous pour rapporter le hadith? Est-ce qu'on en connaît d'abord pour en rapporter? D'accord, hein? Et ça, on devrait, en tant que musulman, Cheikh Abd al-Badr, il essaie de nous motiver, il dit, hein, un hadith, deux, trois, quatre, hein, autant qu'on peut. Regardez ce hadith, comme il est court. Il fait trois lignes. Moi, dans l'édition que j'ai ici, il ne fait même pas trois lignes, deux lignes et demie. Hein? Si vous voulez, avec le rapporteur, ça fait trois lignes complètes. D'accord? Je répète le hadith. An Anas radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلوات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار والحديث أخرجه البخاري ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه البخاري في الصحيح كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان ومسلم في كتاب الإيمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلوات الإيمان والترمذي في كتاب الإيمان في السنن وابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب الصبر على البلاء. Donc le hadith, c'est encore un hadith muttafaq alayh, et le hadith a été rapporté dans Bukhari, par le Bukhari dans son sahih, kitab al-Iman, chapitre de la foi, hein, chapitre de la saveur de la foi, si vous voulez, bab halawat al-Iman, et Muslim dans kitab al-Iman également, chapitre de la foi. Et Tirmidhi, dans Sunan Kitab al-Iman également. Ibn Majah, dans Kitab al-Fitan. Donc si vous voulez étudier le Takhrij maintenant, un petit moment mémotechnique. Voilà, regardez, vous avez Bukhari, Kitab al-Iman, Muslim, Kitab al-Iman, Tirmidhi, Kitab al-Iman, Ibn Majah, Kitab al-Fitan. Voilà, on a étudié le Takhrij. Aidez-vous avec des moments mémotechniques. Vous voyez que les trois premiers sont dans Kitab al-Iman. Donc quoi, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Kitab al-Iman. Bukhari, c'est dans son Sahih. Muslim, c'est dans son Sahih, Tirmidhi c'est dans As-Sunan, jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Donc c'est ici, c'est Ibn Majah dans son Sunan Kitab al-Fitan. Et voilà maintenant qu'on est le Takhrij déjà. D'accord? Rawi al-Hadith. Qui est Rawi al-Hadith? C'est Anas ibn Malik. Wa qad taqaddamat tarjamatuhu fi sharh al-Hadith. Anas ibn Malik, c'est qui? C'est quelqu'un dont on a déjà vu la biographie, c'est un noble compagnon, radiallahu anhu ardah, lors du Hadith numéro 7. Et avant cela, je voudrais d'abord vous traduire peut-être le Hadith. Donc d'après Anas, radiallahu anhu, qu'à la grille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui en qui se retrouvent trois choses goûtera la foi. Qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam soient plus aimés par lui que toute autre chose. Qu'il n'aime, deuxième chose donc, qu'il n'aime une personne que pour Allah. Que quand tu aimes une personne, tu ne l'aimes que pour Allah. Et troisième, qu'il déteste retourner à la mécréance comme il déteste être jeté en enfer. Et vous allez voir que Cheikh Rabia dans le charh, il a rapporté quatre choses. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Parce que les quatre choses sont dans le hadith. Mais en fait, il y a une des choses qu'il a divisée en deux. Le rapporteur du hadith qu'on a déjà vu, le vocabulaire du hadith maintenant. Halawa, parce qu'on a dit dans le hadith, wajada bihi halawa tal iman. Hein? C'est quoi? C'est ladha wa bahja. Ladhatun wa bahjatun. C'est-à-dire un plaisir et une joie. Al iman wa tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi. C'est quoi? Al iman. Hein, c'est la croyance du cœur, la parole de la langue et l'action des membres. D'accord ? Et ça, c'est le ta'rif des salaf. Hein, dans l'iman, c'est qawlun wa amalun wa i'tiqad. Hein, si vous voulez, les ulama donnent toujours les 5 nounats. Hein, les 5 nouns, qui les connaît ? Eh ouais. قول باللسان ها اعتقاد بالجنان 2 عمل بالاركان 3 يزيد بطاعه الرحمن 4 وينقص بمعصيه الشيطان بطاعه الشيطان بارك الله اونغ بيو دي روسي بمعصيه الرحمن بمعصيه الشيطان 5 دونك لي 5 نون ك العلماء رابورت اي دون ان ديفينيسيون غير العلماء غير لونغ عرب كوم الي ها 5 choses, et vous avez la définition de l'iman, et les 5 choses terminent par la lettre Noun. Le frère a dit ici, c'est très juste, i'tiqadun bil janan, croyance avec le cœur. Qawlun bil lisan, une parole avec la langue, toujours an, lisan. Amalun bil arkan, si vous voulez, une action avec les membres, si on veut. Hein? Mais ici, c'est plutôt arkan. Hein? La quatrième, c'était Yazidu bi ta'ati ar-Rahman. Il augmente avec l'obéissance au Rahman, à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Il descend l'iman en obéissant au shaytan, au Satan. D'accord? À Satan. Hein? Donc c'est khams nounat. Mais ici, le Cheikh a dit quoi? Il dit tasdiqun bil qalbi, wa nutqun bil lisani, wa amalun bil jawarihi. Yakrahu. Hein? Yubghidu. Yakrahu, c'est-à-dire il déteste. Al-kufru asluhu s-satr. Wal-muradi bihi al-juhud wal-nukran wal-takdhib. Asluhu s-satr wal-muradi bihi al-juhud wal-nukran wal-takdhib. Donc en fait, si vous voulez comprendre le mot kufr en arabe, il vient de son origine du mot as-sitr, c'est-à-dire quoi? La dissimulation, le fait de dissimuler quelque chose. Ce qui est voulu ici, c'est le démenti, la dénégation, l'impiété, la mécréance. D'accord ? Ayuqdafa, yuqdafa, c'est qu'il soit jeté. Hein? Et je voulais revenir à la définition de l'iman. C'est une définition très très importante à connaître pour les gens de la sunna. Et c'est là que vous voyez la différence entre les gens de la sunna et les autres, notamment le murji'a, qui ne rentrent pas les actions dans la foi. D'accord ? Hein? C'est pour les gens de la sunna, c'est les trois, hein? تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. C'est-à-dire que c'est une action, une croyance du cœur, une parole de la langue et une action des membres. D'accord? Donc c'est les trois. Hein? Ça va? C'est important de connaître ce genre de notions-là, c'est des notions de base dans l'iman. Et aussi le fait qu'il augmente avec l'obéissance et il descend avec la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens général du hadith, le معنى الإجمالي للحديث, qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? هذه الأربعة الأمور من وجدت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولذته وهي علامات حبه الصادق لله. Donc ces quatre choses, celui qui les a goûtera le plaisir de la foi, la saveur de la foi, et elles sont les signes de son amour véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأولى, la première, الأمر الأول, محبة الله. Hein? Et vous voyez ici que directement, avec la première, vous comprenez pourquoi Cheikh va en rapporter 4. Pourquoi? Parce que regardez dans le hadith, les deux sont ensemble en fait. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Or Cheikh Rabi ici va rapporter mahabbat Allah d'un côté, et puis ensuite mahabbat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que vous avez compris maintenant qu'on a 4 choses. Et pourquoi le Cheikh a dit 4 choses? Parce que dans le hadith on dit 3 et Cheikh a dit 4. Ça peut prêter à confusion pour ceux qui ne comprennent pas, d'accord. Mais là, on a compris pourquoi Cheikh a dit ça. Mahabbatullah. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala. Fallahu ta'ala innama khalaqa al-khalqa li'ibadatih. Al-jami'ati li-kamali mahabbatihi. Ma'al khudu'i lahu wal-inqiyadi li-amrihi. أصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما عليها وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سورة آل عمران فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا ومحبتهم لله بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة Hein, vous voyez que c'est du Ibn al-Qayyim, hein? Pour ceux qui le connaissent. Hein? Donc qu'est-ce que nous dit Al-Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'éminent savant Ibn al-Qayyim, l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah le Très-Haut n'a créé les créatures que pour son adoration. Hein? Et fait référence à quel verset évidemment ici? Sourate Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ Donc Cheikh ici dit, il n'a créé les créatures que pour Allah le Très-Haut n'a créé les créatures que pour son adoration, qui regroupe la perfection de son amour avec l'humilité et la soumission à son ordre. Et la base de l'adoration, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de plus, le vouer à l'amour exclusivement. Et que tout l'amour soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne ne soit aimé avec lui. Et que l'on n'aime que pour lui. Et en lui. Et comme le fait d'aimer ses prophètes et ses envoyés. Hein? Et ses anges et ses awliya. Et l'awliya, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a donné la définition d'un wali. Qu'est-ce que le wali? Il a dit « Kullu mu'minin taqi ». Hein? Le dalil de ça, c'est « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ». Hein? Donc ce n'est pas l'awliya comme le comprennent par exemple les soufis. Non. Le wali, c'est « Kullu mu'minin taqi ». Hein? Donc l'awliya, on les aime parce qu'on aime Allah, on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et parce qu'ils sont les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que veut dire le Cheikh ici. Notre amour pour eux est de notre amour complet pour lui. Et ce n'est pas un amour avec lui, comme l'amour de ceux qui donnent des semblables à Allah et les aiment comme ils aiment Allah. Hein? Donc, si son amour est la vérité, hein, de son adoration et son secret, et l'amour n'est possible qu'en suivant ses ordres, et en s'écartant de ses interdits, eh bien c'est par le suivi de son ordre et l'écartement de son interdit, hein, que se met en évidence, qu'apparaît, quoi, la vérité de l'adoration et de l'amour. Hein, vous voyez des gens, ils disent « j'aime Allah ». Hein? Où es-tu par rapport à son suivi de ses ordres, si tu aimes Allah? Où es-tu par rapport au fait de s'écarter de ses interdits, hein? Vous voyez même certains soufis te disent « nous, on aime Allah plus que vous, a'adou billah. » Hein? Subhanallah. Si tu aimes Allah, écarte-toi de la bid'a. Pratique la sunnah. Si tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes Allah, suis son prophète, comme on va voir dans le hadith, dans le verset de Sourate Ali Imran. Hein? Et c'est ce verset-là qu'on va voir. Les ulama l'appellent Ayat l'Imtihan, le verset du test. Hein? Et je me rappelle d'un de nos frères en Allah, subhanahu wa ta'ala, que certains d'entre vous connaissent, hein, qui est en Belgique, un de nos frères marocains. Il disait, il y a un verset qui finit avec moi dans le Coran. Je disais lequel? Il me disait toujours ce verset-là. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Parce que quand je regarde mes actions, je sais voir mon amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ici, qu'est-ce qu'on disait? On disait que, et c'est pour ça qu'Allah le Très-Haut a donné comme signe de son amour et témoin de son amour pour celui qui le prétend. Parce que c'est une prétention. Après, il faut la prouver. D'accord? Hein? Le suivi de son envoyé, alayhi salatu wassalam. Tu aimes Allah? Regarde, tu dis que tu aimes Allah, tu prétends aimer Allah, tu penses aimer Allah. Regarde ton suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il est possible de suivre alayhi salatu wassalam sans connaître sa sirah? Est-ce qu'il est possible de suivre sa voie alayhi salatu wassalam sans acquérir la science, sans connaître sa sunnah? Est-ce que c'est possible? Voilà encore l'amour. Hein? Regardez dans notre ibadah tous les jours. C'est facile de voir si on aime Allah Azza wa Jal et à quel degré on aime Allah Azza wa Jal. Il suffit de regarder notre adoration, notre suivi du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la vie de tous les jours. Allah al-Musta'an. Donc la traduction du sens de la parole d'Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Alors, il vous pardonnera vos péchés. Sourate Ali Imran, verset 31. Dans ce verset, la condition qui prouve l'amour d'Allah, c'est le suivi du messager d'Allah. Donc, dans ce verset, la condition qui prouve l'amour d'Allah, c'est le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivi du messager d'Allah est la condition pour être aimé par Allah. Pourquoi? Comment est-ce qu'on le voit dans la ayah ici? Hein? قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Allah vous aimera. Hein? Et si on rentre un peu dans l'usul, mais évidemment c'est un peu très difficile à traduire en français, on va essayer vraiment de manière très approximative, hein, l'existence de ce qui est conditionné. Hein, d'accord? Ce pourquoi on a mis une condition, si vous voulez, un chart, ne peut être possible que par l'existence de la condition. D'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? On va le voir à la fin. C'est-à-dire que si la condition n'est pas là, eh bien, ce qui est conditionné n'est pas là non plus. Hein? Les ulama, c'est une règle très connue pour ceux qui la connaissent, et da fuqida. Shart fuqida al-mashrut. Hein? On a dit que donc ce n'est pas là non plus, car ce n'est pas possible. Donc si vous voulez comprendre ça, pas d'amour s'il n'y a pas de suivi. Hein? L'affirmation de leur amour pour Allah et de l'amour d'Allah pour eux est impossible sans suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux crier tant que tu veux que tu aimes Allah azza wa jal. Regarde, on regarde le suivi. C'est ça qu'on regarde. Le suivi. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Hein? Sourate Ali Imran, verset 31. Et pour ceux qui veulent revenir à cette parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, voir Madarij al-Salikin d'Ibn Qayyim, volume 1, page 99, Taba'at Tar al-Kitab al-Arabi, bi Beyrouth. C'est la Taba'at que le Cheikh cite ici, l'édition que le Cheikh cite ici. Parce que dans d'autres éditions, vous allez trouver une page différente, d'accord? La deuxième parmi les quatre choses. والثاني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله ولازمة لها. فمن أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب جميع ما يحبه بل لا يؤمن العبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما في الحديث التاسع. سوديت النبي حديث وهي غبيا. Qu'est-ce que nous dit ici le Cheikh? La deuxième des quatre choses que le Cheikh cite ici, c'est l'amour du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Il découle de l'amour d'Allah. Celui qui aime Allah aime son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et aime tout ce qu'il aime. Mais de plus, Le serviteur, l'abd, ne sera croyant que lorsque le messager d'Allah sera aimé pour lui, plus que son fils et son père et tous les autres gens, comme on a vu dans le hadith numéro 9. On avait expliqué que c'était quoi, hein? C'était quoi quand on disait qu'il ne croira pas tant que. On avait expliqué ce qu'il fallait comprendre ici dans cette négation de la foi, vous vous souvenez, hein? Parmi les signes de l'amour du messager d'Allah, ومن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ما جاء به من الوحي كتابا وسنة الإيمان بكل ما ورد فيهما من أخبار واتباع عفوا ما ورد فيهما من أوامر واجتناب ما فيهما من نواهٍ وزواجر والدعوة إلى الإيمان بكل ذلك وتقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد من الخلق فمن توفرت فيه هذه الأمور فهو محب لله حقا وإلا تكون دعواه لمحبة الله دعوة ليس لها برهان ولا سند. Parmi les signes de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ce avec quoi il est venu comme révélation, le Coran et la Sunna, et la croyance en tout ce qui était rapporté comme information, et le suivi de ce qui s'y trouve comme ordre, et s'écarter de tout ce qui s'y trouve comme interdit. Appeler à croire à tout cela, et en plus appeler à croire à tout cela, hein? Et faire précéder l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'obéissance de n'importe qui d'autre parmi ses créatures, parmi les créatures. Celui qui retrouve en lui ses caractéristiques, ses signes, il aime Allah vraiment. Sinon sa prétention d'aimer Allah est une prétention sans preuve ni chaîne de transmission. الثالث, la troisième de ces choses-là, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لغرض ولا لمصلحة دنيوية ولا من أجل جاهه ومناصبه وإنما يحبه لله لأنه أخوه في الإسلام يؤمن بمبادئ الإسلام ويلتزمها ويحترمها فإذا وجد هذا الحب الشريف النزيه فذلك دليل صدق إيمانه وسوف يجد بذلك حلاوة الإيمان. Donc cette troisième chose, c'est quoi? C'est que quand on aime une personne, de ne l'aimer que pour Allah, ni pour un intérêt parmi les intérêts de ce bas monde, ni pour un quelconque objet, ni pour son haut rang, hein, ni pour sa fonction, mais qu'on ne l'aime que pour Allah, car il est notre frère en Allah, hein, que tu l'aimes parce que c'est ton frère en Islam qui croit aux principes de l'Islam et les respecte et les met en pratique. S'il trouve, si tu trouves en toi ce type d'amour noble, pur, ceci est une preuve de la véracité de ta foi. Hein? Et tu arriveras par cela à goûter la foi. Quatrième chose, et la dernière, c'est الرابع الكراهية الشديدة للكفر بالله فهو يكرهه كأشد ما تكون الكراهية ويبغضه أشد ما يكون البغض حتى أنه لا يكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار ولقد ضحى كثير من المؤمنين بالله بأنفسهم وآثروا أن يلقوا في الهلاك على حياة تعود به من الكفر كما قص الله علينا قصة أصحاب الأخدود فقال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سورة البروج تلك قصة عظيمة من قصص الإيمان وتضحية رائعة في سبيل الإيمان على المؤمنين بالله الصادقين في إيمانهم أن يأخذوا منها عظة وعبرة وأسوة. Donc Cheikh termine, hein, en disant la quatrième de ces choses-là, hein, si on veut goûter la saveur de la foi, c'est la grande détestation de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il déteste cette mécréance de la plus grande détestation, à tel point qu'il déteste y retourner comme il déteste être jeté en enfer. Et beaucoup de croyants en Allah ont sacrifié leur vie et ils ont préféré être jetés dans la destruction plutôt que de rester en vie, de retourner, renvoyer vers la mécréance. Comme Allah nous a informé à propos de Ashab al-Ukhdud. Hein? Ukhdud en arabe, c'est un pluriel pour les, hein, les gens du long. Si vous voulez, Ashab al-Ukhdud, c'est les gens du long fossé. Hein? D'accord? Et on va traduire ensemble les versets, vous allez comprendre plus clairement qu'est-ce que cela veut dire. Donc la traduction approximative de ces versets de Surat al-Buruj, de verset 4 à verset 8, c'est « Périssent les gens d'Al-Ukhdud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah. » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Il ne à qui ils ne reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Surat Buruj, versets 4 à 8. Hein? Qui connaît cette qissa de Surat Buruj? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ces croyants-là? Pour ceux qui, je donne toujours des références, allez voir Tafsir al-Sa'di, allez voir Tafsir ibn Kathir, hein? Pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là. Hein? Et comment ces croyants ont été jetés, hein, dans le feu pour leur croyance. Et cette histoire sublime, parmi les récits de foi, hein, et de sacrifices magnifiques dans la vie de la, dans la voie de la foi, il incombe aux croyants en Allah véridique d'en tirer des leçons et de les prendre comme exemple. Ma yustafadu min al-hadith. On va terminer là-dessus. Second quoi? La synthèse, hein, les bienfaits tirés du hadith. Al-oula halawatul iman, al-ladhatul nafisatul lati yajiduha man tawaffarat fihi hadhihi al-khisal. C'est quoi? C'est la saveur de la foi, cette saveur précieuse que trouvera celui en qui se retrouvent ces caractéristiques. Donc qu'est-ce qu'on devrait essayer de faire? C'est que ces caractéristiques se retrouvent en nous, évidemment. Et comment on peut faire si on ne les connaît pas? Deuxième, أن المؤمنين من أبرز صفاتهم أنهم يحبون الله. Que parmi les attributs les plus évidents des croyants est qu'ils aiment Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisième, وأن الله يحبهم كما قال تعالى يحبهم ويحبونه وفيه الرد على من ينكر هذا من المبتدعة. Et qu'Allah les aime et il les aime. Donc Allah les aime, n'am, dans le verset, il les aime et il l'aime. Hein? Il les aime et il l'aime. يحبهم ويحبونه. Il y a en cela une réfutation contre les innovateurs qui nient cela. Qui nient quoi? Hein? L'amour d'Allah, qui n'attribue pas l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc si quelqu'un vous dit, mais tu, on ne peut pas attribuer, tu dis, ce verset-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Allah il dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Il s'est attribué à lui-même cet attribut-là. Subhanahu wa ta'ala. Quatrième, وَأَنَّهُ يَنْبَغِي فِي عَلَاقِةِ الْأَمَرِ بِالنَّاسِ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَسَاسٍ صَحِيحٍ مِنَ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْوَلَاءِ مِنْ أَجْلِهِ. Allahu Akbar. Regardez ce point-là et qu'on s'arrête une seconde sur ce point-là, très important, qu'on se remette tous en question là-dessus. C'est quoi? C'est, il est obligatoire que l'individu base ses relations avec les gens sur une base authentique d'amour en Allah et d'alliance pour lui, pas pour un intérêt. Et je rappelle toujours la parole que je dis toujours aux frères. Hein, la division que Cheikh Al-Uthaymeen a dit, il a divisé les gens en trois catégories dans le Sharh Hilya Talib Al-Ilm. C'est un livre sur la méthodologie dans la science. Il a dit il y a trois genres d'amis. Trois. Sadiqu fadila, sadiqu ladha, wa sadiqu manfa'a. Sadiqu manfa'a, c'est celui qui veut juste tirer quelque chose de toi, il a un intérêt avec toi. S'il n'a pas de cet intérêt-là, il va quoi? Il va te quitter. Sadiqu ladha, hein? C'est celui quoi qui il passe, il t'appelle quand il n'a rien à faire, il a du temps passé avec toi. Mais combien il y en a, hein? D'accord? Comme les Anglais disent, c'est to chill out. Hein? Hein? C'est passer du temps. Il veut juste passer du temps avec toi, il veut perdre son temps avec toi. Et si tu lui demandes de lire Kitab Tawhid, il ne va pas venir. Il va aller chercher quelqu'un d'autre pour passer du temps. Hein? Et la dernière, et c'est la seule catégorie qu'on se doit de fréquenter, Sadiq wa Fadila. Hein? C'est celui, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen dans le Sharh Hilya Talib Al-Ilm, c'est celui qui yahuthuka ala ta'atillah. C'est celui qui t'a quoi? Que te pousse, t'incite à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il t'interdit ou anhaka an ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala. Il t'interdit, il t'empêche de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on termine avec le cinquième point ici. Wa anna min fawa'id hadha at-tajarrudi wa an-nazahati an yadhuqa halawat al-iman. Parmi les bienfaits de cette droiture et de cette équité, le fait de goûter la saveur de la foi. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On pourrait dire Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, parce qu'aujourd'hui nous avons terminé ce livre, hein, et on commence inchallah normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, un nouveau livre. J'hésite entre plusieurs livres, ce sera soit je compte faire salat istikhara inchallah, soit Sharh Usul Talata Sheikh Abd al-Jabiri, soit min hadi al-Mustafa. C'est 50 hadiths expliqués par Cheikh Mohamed Soubeil, l'imam d'Al-Haram al-Mekki, hein, pour qu'on reste dans la même tradition des hadiths, ou alors un livre d'Ali al-Haddadi, Al-Arba'una, fi Madhabi al-Salaf. 40 hadiths dans le Madhabi al-Salaf. Et comme peut-être Cheikh Ali al-Haddadi va venir cet été, Je pense que ça pourrait être bien de commencer ce livre-là et de peut-être avoir une assise avec le cheikh pour poser des questions sur ce livre-là quand il arrive, inchallah, au mois d'août. Wallah alim, j'ai pas encore fait de choix, hein. Je vous dirai quoi dans les jours qui viennent, on se tient au courant. Et le cours de fiqh du samedi est toujours là, hein. Je pense qu'on est peut-être à la moitié du livre maintenant, de Sharh Shurut Salah wa Arkaniha wa Wajibatiha de Sheikh Al-Muhsin Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala. Et donc nos cours sont samedi et dimanche à 16h30 heure anglaise, c'est-à-dire 5h30 je pense maintenant heure, hein, en Europe c'est 5h30, 17h30, ok. Moi je sais comme Allah khair al-jaza, vous avez vu, il faut juste un peu de patience. Et je remercie beaucoup les frères qui sont restés depuis le début du livre jusqu'à la fin. Wa jazakumullah khairan wa sallallahu alayhi wa sallam lil jami' at-tawfiq wa s-sadad. وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.